J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Oui, salut. Dans ce nouveau numéro de Floodcast avec ce petit jingle, ma foi, aux petits oignons. Aux petits oignons, tout simplement. Trois invités autour de la table avec moi. Ça change un peu, d'habitude il y en a un petit peu plus. Là on est entre nous. Là on est entre nous. Là. On est entre nous. Nous sommes avec David Marseille. Ah oui. Bonjour. Merci. David, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis David Marseille, je suis une moitié du Palma Show. Voilà. Le Palma ou Show du coup? Je vais prendre Show parce que toi t'étais plus Palma quand même. C'est pas faux. C'est pas faux. Nous sommes également avec Grégoire Ludig. Oh là là. Salut. C'est fou parce que c'est l'autre moitié. C'est très bien branlé. Vous avez les deux côtés, vous avez les 50-50. Grégoire, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Tout à fait. Grégoire Ludig, je suis l'autre moitié du Palma. Du Palma Show. Salut, salut. Est-ce que t'étais fan du sketch Le Scrabble? Exactement, de Pierre Palma. Et nous sommes également avec l'accoutumé, le célèbre qui vient à chaque émission, notre Quasiment. Laurent Baffy. Oui. Notre Fabrice Éboué. Arrêtons de dire ça. Notre Fabrice Éboué. Si, non, était... mais si on peut, il c'est est... pas. La comparaison n'est pas oblique. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. À toi, notre Guy Carlier, le Florian Gazan. Le Florian Gazan, ouais. C'est la fin de l'émission pour moi. Au revoir. Avec Adrien Méniel, ouais. Qui est venu avec son chien. Qui est venu avec Francky, Francky, Francky, qui est bien sage derrière là. Oui, qui viendra peut-être nous faire une petite chronique où elle tapera sur les gilets jaunes. Elle est de droite. On l'a adoptée, on pouvait pas savoir. Elle est de droite dure. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis le fils de Mesmer. Ah, c'est toi? C'est moi. Mais voilà. Ah, d'accord. Ouais, donc j'ai hérité de ses talents. D'accord. Par exemple, là, enlève ta veste. Ok. Oh putain, les gens le voient. Vous voyez pas, mais c'est pas lui, il a enlevé sa veste. J'ai enlevé ma veste. Et tu es copie comique aussi, je crois, c'est toi? C'est... Je voulais me le garder pour une autre émission, mais je suis les deux. Tu es aussi copie comique. Je suis aussi copie comique. Bon, les gars, merci beaucoup d'être venus dans cette émission, ça nous fait très plaisir. Les gens sont trop contents, c'est super. Nous aussi. Donc on est super contents. On va quand même. On va faire comme d'habitude, on va faire un tout petit tour de table pour. Proposer aux gens des trucs que vous avez kiffé récemment, culturellement parlant. Ouais. J'ai envie de commencer. Pas le droit de dire votre émission. Hein. Vous allez voir le 15. Je... Merde. Ah, ça sera. Il y en aura plein des comme ça. Il y en aura plein des comme ça. Non, mais préparez-vous, il y en aura plein des comme ça. Je tire à balles réelles en fait. Juste pour. T'es un vrai sniper de la vraie vie. C'est ça. Ok. Adrien, qu'est-ce que tu as kiffé récemment, culturellement parlant? Alors, moi, j'ai deux trucs. Déjà, hier, j'étais à l'avant-première de la série Abonne-toi de Yes Vous Aime. Bah tu te la pètes déjà. Ouais. Déjà je me la pète. C'était ma sornie qui est comme une sortie mais plus rare. Okay, c'était ma sortie du mois. Non et c'était vraiment très très bien et très très drôle. Et ça sort. Yes. Invente vous une aime. Date. Je te propose d'inventer une date. Non, le 10 février c'est possible. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est le 10 février, je crois, ou le 11 peut-être. Regardez les stories. Dans ces eaux-là. Voilà. C'est okay. Le 10 ou le 11. De toute façon, ça sera sur YouTube très vite. Bon, donc oui. La date de sortie importe peu. C'est on va dire le 11. C'est ça qui est super avec le web, je crois. C'est de pouvoir, c'est comme un menu, tu vois, tu prends la carte en fait. Oui, je vois très bien. Au lieu de... Tu prends pas le plat du jour. Tu voilà. Prends, voilà. Au lieu d'avoir un menu où t'es obligé de le manger à 19h, sinon il n'existe pas. Enfin, comme souvent, les menus quoi. Et donc c'était vraiment très bien, très drôle, bien écrit, très bien joué, plein d'idées hyper malines et marrantes. On essaiera de les inviter, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très, très, très bien. Ouais. Je les connais pas du tout, mais du coup on va essayer. Bah moi ça y est, c'est des frérots. C'est des frérots, c'est des potos. Je suis, en ce moment même en train de leur envoyer de la force, donc tu vois, c'est pour te dire si je les connais bien. Et donc voilà, faut regarder ça parce que c'est cool, c'est de la fiction sur internet en fait, il y en a. On en a de moins en moins, mais de cette qualité-là, très peu. Donc, wow. Bah non, bah c'est vrai. Hein. Ok, le chef. Le ouais, chef bah, de la fiction. Okay. Ouais, c'est ça, la police de la fiction. Et donc voilà, c'est vraiment trop bien. C'était okay. vraiment cool. Très et bien. Mention spéciale à Lucien, qui est très marrant dedans. D'accord. Qui fait beaucoup rire. Ok, super. Et le deuxième truc, c'est un truc sur Netflix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux trucs, hein, vous inquiétez pas. Ouais, moi, c'est parce que déjà, est-ce que tu as déjà un truc Moi, c'est parce que je ne fais rien, donc je regarde beaucoup de choses. D'accord. Mais vous pouvez en avoir qu'un seul. Non, ouais, ça s'appelle Trigger Warning with Killer Mike sur Netflix. Alors, Killer Mike, c'est la moitié du duo Run the Jewels. Bien sûr. C'est du rap. Hein. C'est du hip hop. Ouais, bah, forcément. Non, mais voilà. En hip hop. Un petit peu. Hein. Regarde-nous. On est quand même très calé hip hop. Non, et c'est un mec qui est très politisé, disons. Très engagé et tout. Et là, c'est une série de mini documentaires, on va dire. Ça dure 25 minutes l'épisode. Ce qui est cool parce que j'ai l'impression que maintenant tout dure 2 heures sur Netflix à chaque fois. Et ouais. Là, c'est vraiment des trucs courts. Et c'est très marrant, ça parle essentiellement des problèmes de la communauté noire aux États-Unis, mais c'est fait de façon très marrante pour ceux qui connaissent l'émission Nelson for You. À savoir personne autour de cette table. Ouais. Ah, c'est un truc avec Nelson Montfort uniquement pour soi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. N'empêche, Nelson for You, une émission avec Nelson Montfort pour toi. Ah, moi, je la regarde. Tu peux le louer. T'as comme c'est un truc interactif. Comme Uber. Et ah, Nelson ouais, Montfort, tu choisis ton épisode. Le moindre problème, il vient le régler, tout ouais. simplement. Ah, ouais. Nelson, le grand frère. Non, mais par exemple, le premier épisode, il part du postulat que pendant la ségrégation aux États-Unis. Comme les noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les commerces blancs, etc., il y avait une économie noire en fait aux États-Unis. Il y avait des commerçants noirs, il y avait des coiffeurs, des hôtels et tout, parce que forcément les noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les commerces blancs. Et du coup, bah, il y a eu la fin de la ségrégation, donc c'était bien. Mais du coup, il y a eu aussi l'effondrement de toute une économie noire, et qui fait que bah, ils gagnent moins d'argent et c'est plus compliqué et tout. Et du coup, il dit pendant 3 jours, je vis que black, quoi, c'est ce qu'il dit dans le truc. Et du coup, c'est marrant parce qu'il dit bah, en fait, je peux plus fumer de weed parce que certes, mes dealers ils sont noirs, mais les mecs qui font pousser, c'est des blancs. Donc, je fume plus de weed pendant 3 jours et on le voit galérer parce qu'il n'arrive pas à trouver des restos et tout. Enfin, c'est très marrant. L'épisode 2, il fait des. Il dit il faut. Il y a 80 épisodes hein, par contre. Ouais. Ouais. Je vais tout sais faire. Je vais essayer d'être concis. Si vous m'interrompez pas, ça peut durer une petite heure. C'est allez, vrai. On y va. L'épisode numéro 1, Adrien. Non, mais l'épisode 2 qui est très marrant, c'est en fait, il dit ouais, il faut éduquer les gens, mais c'est compliqué d'intéresser les gens à des trucs d'éducation. Et du coup, il réalise des pornos éducatifs, genre comment déboucher un évier. Mais le mec est en train de se faire sucer en même temps et tout. En même temps, c'est plus agréable. Voilà, oui. Et c'est comme ça qu'on fait. Moi, pour voilà. Et du coup, après, il montre le truc à des gens et il constate à quel point ils ont appris des trucs, justement. Et c'est vraiment très marrant. Et je recommande ce truc, c'est vraiment très drôle. Spoiler, il bande. Il voilà. bande énormément. C'est ah, vrai, voilà. Tu as bien fait de le dire. Enfin, je bande moi maintenant, tu oui, veux dire. Oui, énorme bandeur. Ça, David, routine. Qu'est-ce que tu as kiffé ouais, récemment ouais, alors, bah, l'épisode que... 3 du coup. Oui, l'épisode 3. Non, pour, justement pour rebondir avec ce que tu viens de raconter, j'ai vu Green Book que j'ai trouvé vraiment excellent et j'en parle parce que c'est un film, c'est un buddy movie, donc ça nous concerne un petit peu avec Greg. Tout à fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un buddy movie aussi bien construit, puis sur une histoire assez originale. J'ai pas trop envie de la spoiler, donc j'invite les gens à aller le voir. Voilà. Alors, pour la petite ouais. anecdote, moi j'ai appris ce que c'était un Green Book justement dans le premier ouais, épisode de... Ah d'accord, et tu avais vu le film avant ou pas ? Non, j'ai pas vu le film, mais quand j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, ça doit parler de ce truc-là, exact, est-ce qu'on peut dire ce que c'est ou alors exactement, ça spoiler ?» En fait, le Green Book, à l'époque de la ségrégation justement aux États-Unis, il y avait un petit livret, le livret de voyage en fait pour les Noirs américains justement, dans lequel il y avait les adresses justement de restaurants, d'hôtels pour que les Noirs américains puissent se loger et aller bouffer sans problème dans le sud en fait. Voilà. C'est glauque. Parce qu'ils avaient peu le droit. Parce qu'ils, ouais voilà exactement. Et donc tout tourne un petit peu autour de ce bouquin. Vraiment bien. Et le film est très drôle. Le film est hyper drôle. Parce qu'il n'est pas trop vendu comme ça alors qu'il est ouais, très drôle. Exactement. Bah, Viggo ouais. Mortensen est excellent. Mais vraiment lui, excellent. Il joue un beauf. Il est parfait lui. Impeccable. Ouais. Vraiment c'est top. Et sinon. Transformation physique aussi. Ouais, il a pris du poids. Transformation physique, ouais, il a un de ses bides, il fait que de bouffer pendant tout le film. Ce rôle est top. Ouais. Mais maintenant, il fait un truc en plus, genre Mortensen, il fait genre un film par an, quoi. Il se perd plus du tout, quoi. Genre, il n'avait pas fait de film depuis Capitaine Fantastique, où pour le coup, il était tout maigre. Il s'est jamais vraiment perdu, en plus, je pense. Non, mais il est très vigilant. Voilà, c'est bah, ça. Il peut se dire, allez, cette année, je fais ça, je me consacre à ce rôle-là, je vais bouffer, je vais grossir, et puis après, je verrai l'année prochaine. C'est vrai que c'est quand même un acteur de fou, lui. Ouais, très stylé. Mais en tout cas, excellent. En plus d'être le roi de la pomme de terre, Viggo. Je sais pas si on peut entendre. Attends, si on se serre la main en même temps, bravo. Voilà, merci. Le roi de la patate. C'est bien Vigo, le roi de la patate, qui est sur l'affiche. En français, la punchline. C'est le titre français du film. Green Book, ça s'appelle comme ça en français. C'est bien ça. Très bien. Et Greg, ben moi, je vais rester dans le cinéma aussi. Avec David, on a eu la chance, parce qu'il en parle, parce qu'il sort bientôt le film Black Snake de Thomas Entwistle. Ah, bien joué. Et, et ben c'est hyper drôle parce que ça change de toutes les, de tous les films qu'on voit en ce moment et de toutes les comédies de super-héros aussi. Ouais. Donc là, c'est le premier, on va dire, super-héros noir qui se fait mordre par un, enfin, c'est un mec qui se fait mordre par un serpent et qui va avoir des super pouvoirs. Et de c'est serpent. Un film hyper, je sais pas, on s'est vachement marré, qui raconte plein de choses, qui véhicule plein de messages aussi. Et ça sort le 23, je crois, ou le 21 ou le 22. Et on s'est hyper marré devant ce super-héros un peu faussaire. Parce que on nous emmène quelque part, mais évidemment, on nous raconte autre chose. Il y a un twist. Et ça c'est. Il y a Bruce Willis. J'ai rien dit. Il y a Bruce Willis à la fin. Pas que Bruce Willis à la fin. Il est étonnant. Il est étonnant, mais ouais. Le sixième Black Snake. Bah, voilà, moi, que, c'est mon petit coup de cœur. Vu que vous proposez que des trucs avec des Renois, déjà, vous faites du racisme anti-blanc. Ça, je voulais vous le dire. Si je peux me permettre. Moi, je vais vous conseiller un truc avec Patrick Sébastien. Histoire de rééquilibrer un petit peu. Mais tu as vu comment il était content, là. Là, on parle. C'est notre culture, là. Sérieux, ouais. Non, c'est un très vieux truc, mais ça faisait longtemps que je voulais en parler dans Floodcast. C'est un truc qui m'a toujours fasciné et personne n'en parle, alors que je trouve que c'est vraiment trop bien. Faut savoir qu'en 2003, Patrick Sébastien avait sorti un album. Ah, j'ai cru que t'allais dire le film Thème. Non, le film Thème, c'était bien avant. Ouais, d'accord. C'était avec Viggo Mortensen. il avait fait un album qui s'appelait Copie Conforme. Ah que oui. Vous savez ce que c'est cet album. Ouais, c'est génial. C'est un album. Imitation Alors, pas vraiment imitation. Incarnation, je dirais. Je vais vous faire, juste écouter la publicité. Vas-y. Saltimbanque, rien en banque. Patrick Sébastien. De richesse à donner. Un album. On dirait un article de vue. À la manière des plus grands chanteurs français par Patrick Sébastien. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas que les guitares. Patrick Sébastien, copie conforme avec RTL. C'est que lui pour faire ça. Que lui, bien sûr. Et ça, donc, c'est de l'imitation, mais ce n'est pas de la parodie. Non, en fait, c'est le concept de copie conforme, c'est qu'il écrivait des chansons à la manière des grands artistes. Ouais. Et il l'interprétait, donc là on l'a entendu, Claude François. Moi j'étais très premier degré en fait. Très premier degré. Mais c'est étonnant, il est souvent très premier degré. Trop. Ouais, il est très premier degré, de temps en temps il peut être très second, et d'un coup vriller dans le premier très fort. Mais et moi j'adore l'humilité du titre de l'album, Copie Conforme. C'est la même aucune chose. Différence, ça aurait bien appelé aussi. J'ai copié. Aucune différence avec l'original. Et la même année, donc vers la fin de l'année, il a sorti une émission qui s'intitulait De l'autre côté du miroir. Ah oui, ça je m'en rappelle, bien sûr. Alors, vous connaissez. Mais on est vraiment sur la bio de Patrick Sébastien. Non, mais j'ai juste ce petit passage de sa vie, parce que les gens. Enfin, ça a fait peu de vues sur YouTube, parce qu'il a tout remis sur YouTube, Patrick Sébastien. Vous pouvez voir toute la carrière de Patrick Sébastien sur YouTube. Mais il ça, a sa c'est... chaîne, il y a tout. Cool. A tout. Important de le savoir. Important de le savoir. Et donc, il y a des extraits de l'autre côté du miroir. Et pour savoir ce que c'est de l'autre côté du miroir, je vais vous dire déjà ce que dit le Wikipédia. Patrick Sébastien a décidé de faire revivre des moments inoubliables à des personnes qui rencontrent un proche disparu ou même des face-à-face à elles-mêmes en se maquillant, en se grimant, en se transformant et en se déguisant afin de se glisser au maximum dans la peau de la célébrité choisie. C'est-à-dire que Patrick Sébastien se déguiser en quelqu'un que tu as peut-être perdu dans ta proche vie, genre un père mort, une ancienne, une idylle amoureuse décédée, et il l'imitait devant toi. Mal. Mais le pire, c'est que nous, on est suffisamment vieux pour avoir vu ça. Enfin, ah, moi, j'ai vu à la télé. J'ai vu à la télé. Aussi, et ouais. Notamment, tu dis ça, Claude Jansac, qui était, mais qui était la partenaire de Louis de Funès dans tous ses films. Quand elle a vu Patrick Sébastien déguisé en Cruchot et qu'il la reçoit et qu'il dit ah. Oh ma biche. Oh ma biche. Voilà. Moitié Mitterrand, moitié Louis de Funès. Donc elle le voit. Elle le voit, elle est hyper émue, donc elle joue le jeu, elle lui pose des questions, et au fil pas du sketch, mais de l'entrevue qu'ils ont. De l'événement. C'est vrai qu'on commence à la sentir un peu sangloteuse, elle sort du truc, elle est complètement en larmes parce qu'elle elle est complètement émue parce que, de tout parce ce qui s'est passé. Patrick Sébastien, éprouvé. C'est ça aussi, c'est de l'émotion, je trouve. D'ailleurs, c'était son nouvel album. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Claude Jansac avec Louis de Funès. Je suis là. Je suis là, je suis là. Il y a une chaise devant vous, ici, là. Bonjour, ma biche. Ah. Comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah bah attends, moi. C'est vrai. Si vous saviez comme je suis contente que vous soyez venue ici, alors on va discuter. Le bad. Des deux. Vous savez comment je surtout, couper. Il n'a rien préparé. C'est pas sa voix. C'est Bourville. J'ai fait des petits machins comme ça. Voilà. Quel plaisir de vous voir. Je suis très émue. Voilà, elle est très émue. Bah oui, elle est triste. On en rigole, juste. Enfin, c'est marrant. Mais à chaque fois, il fait preuve d'innovation, Patrick Sébastien. C'est vrai et que tiens, depuis, il a quand même fait pas mal d'émus. C'est assez facétieux. Et juste après, j'arrête de vous faire chier avec ça, mais un dernier extrait où Coluche, enfin Marius Colucci, donc le fils de Coluche, qui a très peu connu son père, leur relation est. Enfin, si vous lisez des bouquins sur. Bon, tout c'est pas fastoche. Tout a l'air très compliqué. C'est le pire, celui-là. Et donc, il fait un baby-foot avec son père, interprété par Patrick. Ça fait plaisir de te voir, hein. Eh ben, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai plu sur scène. Oui, c'était rigolo. Et pareil que j'ai entendu, tu disais aux gonzesses, tu te rappelais pas la première fois que tu m'avais vu. Enfin, c'était tout petit, c'est vrai, ah t'étais gamin. Je me rappelle plus de la première fois que j'ai vu Bouboule, si tu veux. Ah bon voilà. Ah ouais, le gros. Mon copain, ouais. Ben, et moi, tu t'en rappelles pas. Ben, j'avais tellement l'habitude de te voir que je faisais plus la différence. Enfin, t'es gentil, t'as l'habitude de me voir. Tu leur disais tout à l'heure que tu me voyais pas assez. C'est vrai, j'étais pas trop là, mais enfin, quand même, j'étais quand même un peu sympa. Tu m'as quand même vu un petit peu. Oui, bah oui. On a partagé quelques trucs. Non, donc voilà, c'est horrible. Ah ouais, ça. C'est un peu gênant, ça. On s'est quand même vu. Je t'ai pas tapé souvent, quand même. Bah, si, quand même. Une ceinture, tout le monde met des coups de ceinture. Bah, papa. C'est horrible. Donc, il y en a plein sur YouTube. Il y a aussi celle, il y a Joe Dassin qui rencontre Carlos. Il y a une rencontre improbable Avengers. Il y a Dany qui rencontre Gainsbourg. Et juste dans mes petites recherches, il y en a qui n'ont pas été diffusées. Ah, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas très bien marché. Il y en a un où Benjamin Castaldi rencontrait Simone Signoret. Donc imaginez Patrick Sébastien déguisé en Simone Signoret. Ça pourrait être magnifique. Attends, mais c'était lui qui faisait. Vraiment putain. Et il y en a un où Claude Lelouch faisait face à Jacques Brel. Et Patrick Sébastien raconte, c'était un raté. J'avais renvoyé Gilles Lelouch parce que j'avais totalement honte de moi, mes fausses dents bougeaient. Il fallait que je fallait que je perde du poids, je n'en avais pas perdu assez. Donc j'imagine cette scène dans mes plus grands fantasmes. Lelouch fait ça. Si quelqu'un nous écoute et a les rushs de ça. Non, parce qu'il a dû se maquiller et se rendre compte de. Ouais. Non, on va pas le faire. Tout merde. Ouais, ou alors Lelouch pendant le truc, genre. Je suis désolé, ça marche pas. Pardon. Hein. Désolé, en fait, tes dents tombent. Patrick. Enfin, Jacques. Tes dents tombent, en fait. Tes dents sont collées à ta manche depuis. Donc voilà, ça s'appelle De l'autre côté du miroir. N'hésitez pas à jeter un œil sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, les gars. Avec plaisir. On va parler. On va faire une espèce de mi-Michel Drucker, mi-parler de comment on fait des sketchs et tout, parce que les gens avaient plein de questions. Donc je voulais revenir au tout début. Je vais essayer de ne pas faire les trucs qu'on vous demande à chaque fois. Fatalement, il y en aura un peu, hein, je suis désolé. T'inquiète pas, sur le Wikipédia, parce que j'ai commencé sur le Wikipédia, il y a écrit que vous avez commencé au théâtre. Ouais. Alors, c'est comme ça que vous êtes rencontrés ou Non, nous on s'est rencontrés pendant l'époque du collège, fin de collège, et on a commencé à écrire des sketchs qu'on tournait avec la caméra du père de David. Et on va dire que les premières vraies fois où on s'est confronté, le duo a pris une vraie forme, c'est quand on a fait un spectacle dans les Yvelines, effectivement, sur scène. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que là, j'ai une affiche que je peux vous montrer que les gens ne verront pas, mais où vous allez pouvoir voir le titre, parce que je suis retombé récemment sur un c'est coffre. C'est Patrick Sébastien avec déguisé en David. Derrière. Regardez ça, 2002, on avait déjà beaucoup d'humour. Regardez le titre de ce spectacle. Oh oui. Men in Black. À droite, c'est très bizarre. Ouais. C'est très bien. Ça s'appelait Men in Black. Et ouais, à ce moment-là, on avait. À cette époque, il y avait le film Men in Black. Qui sortait, qui faisait le buzz. Deuxième, voilà. Ça faisait le buzz. Et on s'est dit, putain, mais. Men in Black, mais voilà. Men in Black. Pas mal. Ouais. Pas si mal. Et oui, on a commencé donc à faire des sketchs sur scène. Et voilà, on a fait combien de spectacles ? On a fait un. Alors, Men in Black. Enfin, déjà. Combien de fois on a joué notre spectacle ? En fait, on est les seuls mecs. On a joué deux fois notre premier spectacle. On en a écrit un deuxième. C'est bon, on a fait le tour. Ouais, les gens le connaissent. On a fait le tour, exactement. C'était un peu ça. Et comment vous êtes arrivé à Internet ? Parce que vous, ça fait. J'ai regardé la plus vieille vidéo. Alors, je sais pas, des fois les gens réuploadent et tout. C'est 11 ans, moi, je l'ai trouvé. Genre la vidéo sur Star Wars. 11 ans sur Dailymotion. Ouais, je crois que c'est ça. Mais en fait, on a mis notre première vidéo au moment où il y a eu Dailymotion et YouTube. C'est ça. Nous, on vient de l'époque. l'époque où tu faisais des sketchs sur cassette déjà et tu les envoyais dans les chaînes télé. Enfin, c'est le parcours un peu qui se faisait avant, je pense. Et quand YouTube et Dailymotion sont arrivés, pour nous, c'était un site de stockage en fait. C'était le moyen de mettre nos vidéos, voire même de prendre le lien et de l'envoyer à un cousin dans le sud pour qu'il puisse la regarder. Ça nous permettait d'envoyer ça de manière assez simple pour montrer nos sketchs en fait. Mais à aucun moment on s'était imaginé que des gens allaient de leur propre chef taper YouTube et d'aller passer du temps sur YouTube pour regarder des vidéos. Et finalement, les vidéos ont été visionnaires du coup sur ce coup-là. On a bien calculé le truc. C'était déjà Jonathan à la Réal dès le début. Star Wars, c'était Jonathan. Ouais, j'en ai trouvé trois. C'était Star Wars, Reservoir Dogs aussi, j'ai trouvé. Ouais, c'était Joe aussi. Reservoir Dogs, c'était Joe ça ? Il me semble que c'est Joe. Je suis pas sûr moi. Tu veux que j'envoie un message là ? Si jamais c'est pas lui, mais... Je crois que c'est lui. Hein. Ah ouais ? D'ailleurs, il y avait une question. Si, c'est peut-être lui, pardon. Non, mais il y a un auditeur. Mais si, m'écoute, il m'en voudra pas, c'était tellement vieux. C'était il y a 11 ans, visiblement. Voilà, ouais, il y a un auditeur d'ailleurs qui demandait sur la réalisation, c'était comment, même aujourd'hui, toujours, votre relation avec lui. Est-ce que c'est vraiment lui qui fait les cadres, la composition, le cut, machin ? Et comment vous intervenez sur le montage, sur le jeu ? Comment ça se passe, votre relation ? Ça se fait assez naturellement. On écrit. Et puis comme on a vraiment pas on a un peu de notion de mise en scène, mais en jeu plus qu'en cadre, parce que vraiment en cadre on n'y connaît vraiment rien quoi. Donc on lui laisse faire, on lui donne le texte et lui en général il arrive à surélever, on va dire, le sketch en ramenant une mise en scène, en ramenant un petit plus à la mise en scène. Donc c'est pour ça qu'on lui fait totalement confiance. Et après au niveau du jeu on se surveille mutuellement, mais c'est aussi important je pense d'avoir un troisième œil comme ça qui peut nous dire quand on va trop loin ou quand c'est nul simplement Et on a même plus besoin de se parler il suffit de regarder Jonathan il suffit d'un prénom, tu sais, il suffit du prénom David on l'a refait alors le fameux c'est long c'est long, d'accord, c'est bien ou pas là, c'était peut-être un peu long. Et le montage du coup vous le gérez tous les trois le montage, Jonathan fait un peu ses choix de cadre et puis nous ensuite on peaufine ouais, d'accord, ok, mais Jonathan est important, c'est clair. Ensuite vous avez je vais un peu vite mais vous êtes passé à la télé, la folle histoire du Palma Show, c'est le premier. C'est ça. Mes plus vieux souvenirs de vous, c'était en fin d'émission de Morandini. C'était genre des teasers ou c'était quoi en fait non, nous on avait une pastille à la fin de l'émission de Morandini. C'était donc la rentrée 2010, septembre 2010 Direct 8. On avait une parodie à chaque fin d'émission. Et très vite l'émission empiétait un petit peu sur notre passage à nous, donc forcément on était squeezé de l'émission. Et puis très vite, d'un commun accord, on s'est dit est-ce que nous on partirait pas de l'émission pour avoir notre propre truc, et lui présentateur qu'on connaît tous a dit oui, bonne idée, oui, comme ça, on s'est séparé comme ça comme notre parodie se moquait de ce qu'il faisait, donc c'était un peu éditorialement parlant on était un peu dans un paradoxe. Comment ça se passe pas mal et toi? Non mais c'est une question que je veux poser aussi à Adrien, c'est comment comment ça se passe travailler avec Jean-Marc, Adrien, Jean-Marc Morandini? Je crois que c'est Jean-Marc la marionnette de Jeff Van Cloque. Mais c'est, tu veux que j'invente un truc? Non, je sais pas. Tu voulais me lancer sur une impro? Non, je proposais un gars. J'avais rien. Beaucoup trop premier degré, mais j'ai pas travaillé avec lui. J'ai jamais bossé avec lui. Morandini, tu confonds avec qui? Un autre mec aura un nom. Lorenzo Benedetti. Non, c'est un autre. C'est italien, mais c'est pas. Attention. Je produis des émissions avec des gens dans les vestiaires. Je vous dis, c'est une calage. La question était comment ça se passe de passer de. C'est la question que tout le monde se pose tout le temps, le passage web à la télé. Est-ce qu'il y a un vrai travail? Est-ce qu'il y a un vrai travail avec la chaîne? Est-ce que dans la façon de faire, les gens en fait, je pense quand ils posent cette question, ils ont une espèce de vision de la télé qui censure, qui dit mais enfin vous êtes fous, ne faites pas ces gags. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment vrai. C'est jamais vrai à partir du moment où tu le dis. C'est-à-dire que nous dès le départ, on a dit que nous ça nous intéressait. Évidemment, on n'allait pas dire non, on reste sur Internet parce que on est libre. Il y a pas d'argent à se faire, c'est trop bien. Alors il y a une liberté effectivement sur Internet. Je trouve qu'elle change bien aujourd'hui. Et quand la télé nous a proposé quand Direct 8 nous a proposé d'aller sur la chaîne, on s'est dit on va continuer de faire ce qu'on fait. Et eux de nous répondre oui évidemment, sinon on vous prendrait pas. Donc on a toujours gardé cette liberté, on a toujours eu cette chance d'écrire avec David tout ce qu'on voulait, de se faire pas d'autocensure, mais on sait ce qu'on a envie de raconter, on sait qu'on n'a pas envie d'être trop vulgaire ou quoi, et voilà, on nous a jamais emmerdé. On n'est pas vulgaire, tu vois. Jamais chié dans la bouche. Jamais tombé sur les enculés, fils de pute, tu vois. Et non, on a toujours été libre de faire tout ce qu'on veut. Donc, ce côté un peu la télé, on a dû quand même. Enfin, on le vit un petit peu aujourd'hui avec l'émission de TF1. Ouais. On lit beaucoup de trucs là qui nous disent ah, dommage. Ouais. Ah, ça y est, vous avez vendu votre cul. Aïe, aïe, aïe. Et on a envie de dire, bah. Déjà non, et puis quand bien même, et ouais. Ça c'est la politique du moment, regarde, ouais. Après, attends. Dis-nous ouais. Ce que t'en penses, ouais. t'as pas aimé, t'as envie de nous désinguer, ouais. Désingue, y a pas de souci, mais déjà attends un peu. Oui, attends de voir. Et puis donc, enfin, juste pour finir, on a toujours réussi à garder cette liberté de ton en tout cas. D'accord. Et puis personnellement, je trouve que justement, Internet est beaucoup plus aseptisé qu'avant. Que la télé d'ailleurs. Quand on a un exemple en fait, quand on a fait Canoff l'année dernière, c'était notre petite émission qu'on faisait pour Quotidien, où on faisait des parodies de films. On avait fait une parodie de La Vie d'Adèle et à un moment donné, il y a un plan où il y a un technicien qui est à poil. Donc un plan tub. On avait un jour, merci. Tu sais que moi, j'en rêve un jour. De faire un plan tub. Ouais, les plans tubs sont les plus drôles qui existent. Tu vois, quand on l'a. Puis belle tub. Quotidien. Très belle tub. Très belle tub lancée. Mais on donnera les contacts à la fin de l'émission s'il y en a. Ça intéresse. Mais voilà, Quotidien nous dit non, mais il n'y a pas de problème. Donc c'est passé à 20h55. Il y a 2 millions de personnes. Enfin, personne ne nous a rien dit. Par contre, dès qu'on l'a mis sur Internet, je crois qu'à peu près 90% des commentaires tournent autour de ça. Et ouais. Au bout de 2 jours, la vidéo était censurée. Ah ouais ? Elle a sauté. Voilà. Eh ben, Je me suis fait censurer une tub sur Canal, moi. C'est vrai? Dans le, enfin, à l'écriture, dès l'écriture, en fait, on voulait justement un plan tub. C'est drôle. Voilà, c'est un mec qui plan tub. Genre plan large, on voit que le mec avait juste une énorme bite. Ouais. Et bon, c'est hilarant. Enfin, rien dit comme ça, si c'est vraiment. Si tu peux me permettre une bite, c'est très drôle. Si elle est énorme en plus, pardon. Là, c'est vraiment très drôle. Premier conseil de comédie, les jeunes, si vous écoutez, mettez une grosse bite. Et non, et dès l'écriture, on nous a dit, oui, non, ça par contre, ça passera pas à l'antenne et machin. Ouais. Alors que bon, nous, après c'est une question de statut quoi. Moi, on vous a dit oui, moi on m'a dit oui, dégage. Non, il y avait aussi. Va faire du montage. Nous, la prod a eu honte d'un sketch aussi, mais qui avait pas été écrit, mais dès l'idée ils ont fait non mais les gars, c'était pas notre idée pour le coup. Je crois que c'était celle de Robinson et de Poulpe. Chez Canal, on avait une idée de sketch, c'était la porte des étoiles, Stargate. Ouais. Une énorme bite géante qui sort. Et tu sais, ils sont genre, ah, c'est notre premier contact avec les aliens. Et t'as un pénis qui prend tout. C'est un gloriole en fait. C'est le. Et clairement, quand il a commencé à voir. Ouais. On connaît. La couille du gars. Qui sort. Le sketch s'appelait La couille du gars. Thomas VDB. La bite du gars. Et en fait, dès on fait non, mais on va sketch pas. Sketch qui a été censuré. C'est vrai, mais c'est un meilleur sketch. De lequel donc ? Celui de Thomas VDB. Ah oui, je peux venir. Je peux venir. Interdit au moins de 18 ans. Je peux venir, c'est chaud. Et voilà, dès la prod, ils ont dit non, mais donc va falloir construire une bite en géante, faire bosser les FX et tout. Donc voilà, on nous a dit bon, peut-être des prétextes pour pas mettre une bonne bite sur un excellent gag. En tout cas, nous on n'a jamais été censurés pour l'instant. On se censure nous-mêmes. On se censure nous-mêmes. Là, on en a censuré un pour le nouveau. Mais parce qu'il était nul. Oui, tu sais, c'est la plus. Ouais, mais bon, ça pourrait être nul. On aurait pu croire que c'était marrant, mais on savait que c'était nul. C'est tu sais, la pub de Griezmann qui fait sa grimace devant la truc. Et au final, pourquoi est-ce qu'il fait une grimace? Non pas parce qu'il veut se raser, mais parce qu'il était un petit peu encombré. Et en train de chier, c'est et ça. Qu'il lâche une énorme caisse. Donc à le tourner, on était contents. Mais sur le moment, on s'est dit, c'est du génie. Et on est au montage. Et au montage, on fait... Pop, pop, pop. Oh, attends, on l'a laissé un peu dans l'émission. Ouais, on l'a testé. Est-ce que si on met un autre bruit de paix, est-ce que. Ouais, exactement. On était sur la banque de sons de des bruits de paix. Peut-être. Voilà. Mais c'est celui-là. Mais qui faisait Griezmann Grégoire. C'est nous. La ressemblance est quand même assez frappante. Là où c'est gênant, c'est que c'était le vrai Griezmann. Bah, en vrai, ça a eu en guest. Ça aurait été stylé, quoi. Et il vient péter, le gars. Non, parce que aussi, la question que je me posais, c'est pour ça que je demandais à Adrien, c'est que parfois on peut croire, mais peut-être c'était aussi plus avec le style des sketchs absurdes de Golden aussi, je sais pas, que même des fois on se dit peut-être qu'à la télé faut prendre les gens par la main. Vous, c'est pas une question qui s'est posée, quoi. Non, c'est pas vraiment de la censure, tu vois, c'est plus un truc de est-ce qu'on amène les gens adapté, nous, c'est-à-dire que quand on a commencé, il y avait pas de gens qui regardaient. Oui, c'était la TNT sur Direct 8. C'était pire que la TNT, quoi. Il y avait vraiment personne. Je pense que les gens qui tombaient sur notre émission, c'était des gens qui s'étaient gourés ou qui s'étaient perdus. Ouais, peut-être. Et d'ailleurs, on croisait des gens. La plupart des gens qui nous regardaient, c'était soit des toxicos, soit des mecs bourrés, parce que ils nous regardaient vers 4h du mat. Mais, tiens, j'ai tenu toute la soirée à voir regardé. Enfin, c'était, ouais, c'était assez bizarre. Bien. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que DirecTV a été racheté par Canal et donc tout a changé. Il y a eu D8 et C8. Donc là, ils ont mis un peu plus de moyens. Les gens ont commencé à se déplacer vers la 8. Mais comme on était déjà chez Direct8 et qu'on avait instauré ce principe où la chaîne n'avait pas le droit de lire ce qu'on écrivait. Ah oui, d'accord. C'est resté. Ah oui. Oui, en fait, le deal d'origine, c'est que quand on est venu sur Direct8, il n'y avait tellement pas d'argent qu'on leur a dit d'accord, mais dans ce cas-là, on fait ce qu'on veut parce qu'on n'aura jamais le temps de réécrire, ce sera compliqué, puis de toute façon, on ne va pas vous mettre dans la merde. Et eux ont été sport et nous ont dit il n'y a pas de problème. Et c'est resté, en fait, ce deal-là est resté. Même encore aujourd'hui, pour TF1, ça n'a pas changé. Parce que nous, je sais qu'Adrien, il a fallu faire un petit travail d'adaptation. On s'est dit peut-être des fois, c'est peut-être un peu trop pété pour. Parce qu'en fait, nous, le truc, c'est qu'en fait, l'émission, le deal, c'est qu'il devait y avoir des sketchs inédits. Mais il y avait de la rediff aussi. Ouais. Et je sais que sur les choix de rediff, tu vois, les sketchs de Tyrell ou les trucs un peu comme ça, c'était un peu compliqué de les foutre, quoi. C'était ouais, après, oui et non, quoi. Parce qu'on a quand même fait le. Comment c'est ? Le café ? Non, le. L'interrogatoire. L'interrogatoire, qui est un sketch de Vincent qui est quand même très chelou. Pété, L'équipe des meilleurs aussi qui est, oui, non, qui est un vrai. Peu bizarre et c'est tout. Vrai. On a. Et nous, même... notre volonté, ce qui était un peu différent de ce qu'on faisait sur YouTube, c'était de faire des parodies télé. Parce qu'en fait, on n'en faisait pas du tout, nous, à Golden, des parodies. Ouais. Et c'est peut-être le seul truc où nous, on s'y est un peu frotté, peut-être pas toujours bien d'ailleurs. C'était pas forcément notre forcément. Truc. Ouais. Après, quand on regarde pas la télé, c'est dur de faire des parodies télé. Ouais, c'est pour nous, c'est pas facile. Hein. T'es obligé de vous forcer à regarder. Ouais. Non, ce que vous faisiez de mortel, je sais pas si tu écrivais aussi ou c'est juste toi, Adrien, c'est l'homme qu'on écoute jamais dans les films ou qu'on écoute pas dans les films. On écrivait avec Julien Jossin. Oui, tous les trois, en tout cas, ça c'était vraiment. Mortel. Et je sais qu'avec Jonathan, on en parlait tout à l'heure de Jonathan, on se les mettait tous les trois, on se dit tiens, Adrien a figure de proue, donc tiens, Adrien, il est dans la nouvelle vidéo, on se la mettait, ça nous faisait beaucoup rire. Ah, cette idée est mortelle. Oui. D'ailleurs, c'est un programme court sur Canal à la rentrée, Adrien. Alors non pas du tout. En fait, c'est parce que j'étais content. Ça, non, mais c'est ça va y arriver. J'étais content. 16 fois à peu près. Ouais, il y a c'est le truc maudit en fait, c'est le projet maudit, c'est-à-dire mais que pourquoi alors c'est maudit je sais pas. En fait, ça a été on peut le dire ça a été maudit déjà pendant quelques années parce que pour la petite anecdote, au pire je coupe des trucs, t'inquiète. Non mais c'est-à-dire que moi vraiment j'aurais dit franchement ça pourrait être un programme court et tout parce qu'à la base c'était dans le premier sketch show de Golden et donc je leur mettais la pression genre putain mais ça pourrait vraiment être un programme court en fait mais je sais qu'on n'aurait pas tenu des années parce que on aurait tourné en rapidement mais je disais on peut faire vraiment une bonne saison cool quoi. On avait même cité Canoff à une époque, on avait dit regardez ils ont fait ça que à Cannes et ça marche très bien, nous on peut faire un truc peut-être que à Cannes, enfin tu vois c'était. Et on disait ouais non mais là peut-être M6 ils le veulent mais ils savent pas et tout mais bon s'ils se décident pas moi je vais le proposer à Canal t'inquiète et tout. Bon un an après aucune nouvelle et tout donc moi je l'ai relancé et tout. Et un jour on m'a dit bon alors j'ai des nouvelles là, il y a une boîte de prod ciné, je saurais même pas vous dire le nom de cette boîte de prod, ils ont leur chaîne sur le câble. Ah, yes. Le câble. Et peut-être que ça on pourrait leur vendre. Et aussi une des conditions nous qu'on avait dit, c'était par contre faut que ce soit sur YouTube genre direct quoi, enfin pas un mois après et tout genre tout de suite quoi, parce que c'est là où les gens vont le voir quoi. Et il nous dit donc la chaîne c'est machin, donc il me cite une chaîne que je connais pas, donc déjà c'est mauvais signe. Déjà tu me dis si je la connais pas c'est que vraiment personne ne doit regarder, c'est pas connu quoi. Les films du plat pays TV. Ouais, donc c'est vrai. Que des films belges. Et donc je suis genre bof. Et il me dit par contre pour YouTube c'est mort, ils veulent pas, donc ce sera pas sur YouTube ou alors un an après. Je fais du coup non. Il faut non mais attends, on va quand même négocier. Je fais non ça sert à rien et tout. Donc c'était vraiment la seule proposition qui m'ont faite, qui était un truc mais ridicule quoi. Sachant qu'il a failli aussi, enfin on va pas épiloguer mignon sur ce truc, mais il a failli avoir, on nous a proposé aussi, on pourrait le faire avec Stéphane Plaza, voilà. Ça a été fait, mais avec en gros il y a un mec mais le mail est un peu marrant. Alors grande nouvelle pour le mec qu'on écoutait dans les films, on a pas YouTube, ça se fait, on a Plaza. Pas sur YouTube sans Adrien avec Plaza. Moi c'était des mauvaises nouvelles. Moi c'était en live, il était venu me voir à une soirée Golden, un des prods de Golden, il me fait ouais alors là pour les 30 ans d'M6 on voudrait avec faire un sourire. Truc. C'est le mec qu'on écoute jamais dans les films, mais c'est le mec qu'on écoute jamais dans les émissions. Et elle serait avec Stéphane Plaza. Et je fais. Il me dit ouais, ça te ferait marrer peut-être d'écrire dessus et tout. Je dis donc non, déjà vraiment pas du tout. Et je suis surtout, déjà sur un délire avec une chaîne câblée. Donc, Par pitié, n'appelez pas ça le mec qu'on écoute jamais, genre que ça n'ait pas de lien avec le truc et tout. Voilà. Ils ont demandé à tous les gens qui ont participé, y compris les techniciens réels, tout le monde a dit non, j'ai pas envie de le faire. Ils l'ont fait quand même avec Karine Le Marchand. Yes. Et on peut trouver ça. Je sais pas, je l'ai jamais vu en vrai. J'ai juste eu des messages sur Twitter qui sont le mec qu'on écoute jamais dans les films avec Karine Marchand, mais j'ai jamais réussi à le voir. Ah ouais. Ah. Et ça devait être fameux. C'est pas mieux au final que tu ne l'aies jamais vu. Ah, je sais peut-être. Bah, par curiosité, j'aimerais quand même mais voir. Je comprends. On le mettra. Mais en gros, du coup, après, il y a eu quand même trois occasions de le refaire à la télé. On en a réécrit. On avait fait La La Land, Star Wars, le dernier et tout. Mais bon. Et à chaque fois, c'est tombé à l'eau. Et d'ailleurs, là, j'ai peut-être une piste pour un quatrième échec. Ensuite, Very Bad Blague. Ouais. Alors, Very Bad Blague, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là, vous partez sur. Il y a eu 190 épisodes. À peu près 190 épisodes. Ouais. Comment on passe d'un coup sur un flux qui est quand même énorme, comment on se. Vous avez pris des auteurs, est-ce que non. Est-ce qu'à ce moment-là vous faisiez des réunions Justement, alors je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quelle est la différence de travail entre internet et la télé. Ça fait deux fois que tu rebondis depuis. Non mais d'ailleurs c'est ton caoutchouc. Non, ça on va l'enlever. non, s'il te plaît. Regarde. Ah si tu peux mettre des bruitages. Ouais, je peux, bien sûr. Ah, tu mettras un bruitage. Non, ce qui s'est. En fait, c'est qu'on a. Redis que tu rebondis. Alors j'ai. Je la refais. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Flaubert. Merci. Tout simplement, la différence de travail entre Internet et la télé, c'est que sur Internet, t'as un peu le temps de voir venir et tu te dis, tiens, je vais peut-être bosser une vidéo pour la semaine prochaine. Là, on était sur un flux tendu. On écrivait tout le temps, le soir, la nuit, le samedi, le dimanche. Ouais. Ça n'arrêtait jamais. On a tout écrit, tous les deux. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, on essayait de... Pardonne-moi, on essayait de faire des beaux scripts qu'on rendait à l'équipe, à la prod et tout, en disant bon voilà, première situation, séquence le mec une. Entre, machin, ouais, séquence je fais des coups, 50 sketchs, c'est ok, 1, tabouret, 2, ballon de foot, 3, et c'est vrai de vrai, les accessoires qui arrivaient sur le tournage, en disant, alors il y avait écrit tronçonneuse, donc j'ai pris une tronçonneuse, et qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est vrai qu'à la fin, c'était une expression, tronçonneuse, on savait pas quoi foutre, on a mis tronçonneuse, vas-y, maintenant qu'on l'a, on va essayer de faire un truc avec. Mais non, on n'a pas dormi pendant 2 ans. C'était un gros boulot, Very Bad Blague, c'était un gros boulot, et en même temps, un super kiff, mais c'était vraiment du taf. C'est un peu là en plus, vous avez eu les persos qui commençaient à s'installer. Ouais, voilà, et tout. J'ai lu une interview de Jonathan qui parlait des Simpsons en référence. Est-ce que c'est un peu ce truc là de quand on doit en faire 190, est-ce qu'à un moment on se dit bon bah voilà, là on va mettre ces deux persos dans telle situation, ça va aller, ou est-ce que on se force tout le temps à se dire non là faut enfin tu vois, est-ce qu'à un moment c'est un vrai truc qui arrive de se dire est-ce que là faut aller un peu vite sur celui-là ou... Alors la saison 1, je pense que c'était un peu ça. La saison 1, c'était un défouloir. Ouais. Vraiment, on mettait toutes les blagues qui nous passaient par la tête. Ouais. Et la saison 2, je pense qu'on a commencé à regarder un peu ce qui avait fonctionné dans la une. On s'est dit, tiens, ces persos-là, ils sont quand même marrants, on aime bien les faire. Et on a commencé à fabriquer des histoires. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a des petites lignes directives dans la saison 2. Dans la saison 1, c'était une vignette, un gag. Et ça vous. Un gag. Ça ne voulait rien dire. Le programme c'était les rois du gag. Le programme aurait ce film avec Thierry Lhermitte et. Ça charde là-haut. Ouais, exactement. Connaisseur. Cinéphile. Mais sur la saison 2, on s'est appliqué. Et au même moment, je crois qu'il y a Bref qui démarre. Et s'était pris une claque en voyant Bref. On s'est dit, putain, on va quand même bosser un peu histoire de se mettre à niveau. Parce qu'il y a Bref qui arrive sur Internet en même temps. Et ce serait peut-être bien qu'on essaie de s'élever, quoi. Et au niveau des guests, comment c'est le choix des guests? Est-ce que c'était des gens qui disaient ah on aime bien? Est-ce que vous vous êtes fait des kiffs? Est-ce que vous avez eu les inconnus? Vous avez eu plein de gens chambés? Je ris parce que les guests, ça me fait penser à ce que j'ai vu en story de Jonathan où la vignette dans Télé 7 jours de votre émission, c'est Cannes Mérade. Ça, c'est génial. En gros plan, gros plaisir. À Cannes, visiblement. Ouais. Non, une image de Vivement Dimanche. Même pas la même chaîne. Oui, non, les guests Very Bad Blague, c'était les gens avec qui on avait envie de bosser, puis des gens qu'on rencontrait aussi. On a commencé aussi avec les gens de nos cours de théâtre, et puis après on a fait des rencontres aussi. Julien Pestel, meilleure rencontre de la Terre, encore aujourd'hui, il fait plein de trucs aussi. C'est trop cool de créer ça. Et puis après, oui, il y a des petits kiffs de tu rencontres quelqu'un, ça te dirait pas de venir faire un sketch avec nous? Ah bah oui, parce que je connais ce que vous faites, je trouve ça drôle. Ah bah ok, super. Et après. Ça m'est jamais arrivé ça encore, mais. Si je croisais. Non, non, que. Ah, que toi, que moi, je dise à quelqu'un qui dise je connais ce que tu fais. C'est... Tu dis non, mais Norman. Tu dis c'est pareil. Norman. Ah, mais Norman. Le mec de Karine Le Marchand qui fait les mecs qui machin. Ah, oui. J'ai vu là avec Plaza, hyper bien. Ouais. Ah, c'est super. Non, et voilà, et c'était un peu à l'envie aussi, ouais. Et donc vous faites deux saisons de ça, et ensuite vous faites Palma Show l'émission. Tout à fait. Avec quand même un peu de Very Bad Blague, de souvenir, parce que moi je crois que j'ai tourné dans un Very Bad Blague de Palma Show l'émission, avec les gars de Suricat. Est-ce qu'à ce moment-là vous vous êtes dit c'est parce que la parodie vous manquait, enfin de faire des sketchs moins cut, est-ce que... En fait, Very Bad Blague, comme c'était un plan fixe, c'était aussi une économie. Comme on était encore sur Direct 8 à ce moment-là avec Very Bad Blague, on n'avait pas beaucoup d'argent, et les parodies, on était complètement rincés à la sortie de La Folle Histoire. Donc pour Very Bad Blague, on avait trouvé cette idée en fait de faire trois plans fixes dans la journée et de faire des gags à l'intérieur. Donc par exemple, on louait une baraque et on faisait quand on est dans la cuisine. Ouais. Quand on est dans le jardin et quand on est dans la chambre, c'est vraiment, vrai, c'est gogol quoi, vraiment. Ouais. Et en fait, quand Palma Show l'émission a démarré, c'était le rachat de Direct 8, je me souviens. Donc on a su que Canal reprenait le truc, on allait avoir un peu plus de moyens. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être pouvoir faire une hebdo, faire moins de Very Bad Blague et revenir un peu à des sketchs. Cassons un peu le plan fixe et voilà. Faisons des vrais sketchs, vrais films, quoi, on va dire. Ben moi, mais moi j'étais très content, on était venu avec Suricat faire un. Tout à fait, vous étiez venu loin sketch. Quand on sépare une bagarre et le tuffer. Le tuffer. Ouais. Le tuffer, ouais. Le tuffer, c'est une mine d'or, le tuffer. Surtout qu'on s'est tous compris sur ce sketch, ça qui est rigolo. C'est qu'on on en a vécu, on en a vu de loin. Et je vous remercie parce que je le dis pour les auditeurs. Il a Ken, grâce à ça. Merci. Si, si, la Ken. Je vous jure, j'ai Ken. Non, c'était l'idée du sketch Suricat Super Hangover, dans lequel vous êtes venu très gentiment. Ouais. C'est fait sur ce tournage. Ouais. C'est en vous voyant déguisé, parce que dans On sépare une bagarre, vous êtes en, je crois, Wonder Woman et Blanche-Neige. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Oui. Et on a commencé à faire des vannes autour de ça. Et c'est là que l'idée, l'idée s'est faite, et c'est pour ça que ça nous paraissait totalement logique de vous inviter, parce qu'en fait l'idée s'est faite. On attendait, l'idée s'est faite ici. C'est surtout, tu sais, moi je me suis fait virer deux semaines après, donc tu sais, c'est surtout merci les gars. C'est vrai que ça devait être douloureux, ça. Quand même. Non. Bien mis à l'envers, ces enculés. Moi, j'y suis pour rien. Tu me regardes parce que t'es en face de moi. Ouais. Que c'est vrai que ça a coïncidé avec t'es le fait. Il y a la lumière derrière. Je t'ai dans mon champ de vision. C'est vrai qu'il est bien en valeur celui-là. Bah ouais. Il est magnifique. Celui-ci. J'aimerais revenir sur un truc précis que vous faites dans les parodies parce que ça m'intéresse. Donc voilà, je me permets. C'est quand vous faites. Un film avec avec Jacques Villeray. Pardon. Ouais, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas De Funès et. Non, d'accord. Rien à voir. C'est Patrick Sébastien. Ouais, c'est ça. Oh, ma biche. Bonjour, c'est Serge Gainsbourg. Bon, Patrick, fais un effort. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. C'était sur la parodie de chansons. Ouais. Vous en avez fait pas mal. Ouais. Comment vous faites. Comment vous travaillez la parodie de chansons? Est-ce que c'est vous qui écrivez les paroles et ensuite vous voyez avec votre compositeur Charles, l'excellent Charles Ludig. Et ensuite, ça se fait en deux temps. Est-ce que ça se fait ensemble? Comment ça fonctionne? Déjà, il faut qu'avec David, on ait un peu une idée d'un truc à dire sur une chanson, un détournement, un truc comme ça. Après, on en parle à Charles. On en parle à Charles, et bah, évidemment, comme avec Charles, on se connaît par cœur. Il sait ce qu'on aime, donc il nous fait deux trois propositions de musique à chaque fois. On s'arrête sur une instru qu'on aime bien. Et après, on écrit dessus, en rythme, en fonction, on lui renvoie, on lui dit, tiens, attends, coupe à ce moment-là, ou rajoute un refrain, la mélodie que t'as fait pour le refrain, rajoute-le. Et ça prend beaucoup de temps. Et on est parti. Ouais, d'ailleurs, c'est infernal. Vu que Charles, il est à Lyon, là, on est parti deux, trois fois à Lyon pour rectifier, faire des trucs, puis en fait, ça va plus vite de bosser tous ensemble. Ouais. Et voilà, c'est assez commun, en fait. Il faut que ce soit nous d'abord, dans l'idée, et après, Charles va très vite. Et c'est quand même cool, et après, on s'entend... assez rapido sur la musique. Ouais. C'est rigolo parce que nous, quand on l'a fait, c'était pas vraiment comme ça. Nous, on lui a un peu donné au compositeur, c'était PV Nova. Ouais. Et c'est un peu lui qui a fait son truc dans son coin et qui nous disait là les paroles. Il n'est jamais revenu. Il est parti avec les textes, il les a fait en Suède. Il a un groupe d'humoristes en Suède, PV, qui cartonne avec que nos sketchs. Non, c'est vrai que c'est lui qui partait et qui faisait un peu sa sauce et nous, on revenait après pour le. Ouais, pour écrire. Moi, il m'a fait le meilleur truc, il m'a briefé sur l'imitation. On revient à Patrick Sébastien, mais je devais imiter Cartman qui imite Patrick Sébastien. Et donc il y a eu tout un moment où, parce qu'on faisait une parodie de Patrick. Je sais plus comment il s'appelait, la parodie Sébastien Patoche. Sébastien Patoche. Ah, d'accord. En fait, on parodiait Sébastien Patoche. C'était tout un truc. L'imitation de l'imitation. L'imitation de l'imitation. Mise en abîme. Bah, tu sais. C'est méta. Méta. C'était méta, ouais. On est les premiers à avoir fait du méta sur Internet. Bah, Dupieux nous a beaucoup plagié, on peut le dire. Tu pourras lui dire. Je vais lui dire, tu sais qu'ils le savent. Il les a comme ça. Il est comme ça, là. Et il faut On voit pas les mains, mais ça tremble. Et c'est pas facile pour faire le DJing. Non, c'est vrai. De voir les mains qui. Ouais, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Je remettrai le bruitage de Boeing, même si ça n'a aucun sens. Ou le scratch. Ouais, monsieur l'oiseau, il a du plomb dans l'aile, je crois. Oh bienvenue chez les grosses têtes. Bruit de vinyle qui s'arrête. On va mettre des effets sonores dans cet épisode. Je serais très content qu'il soit des effets sonores. Ce sera que les bruitages de Un gars, une fille. J'ai arrêté Un gars, une fille, il y a un milliard de bruitages. Le bruitage, il se faisait plaisir. Quand ils ont gueulé, il y avait des coups de feu. Et la ligne de basse aussi. Quand il comprend pas, genre ça fait. Ah, c'était une époque. Bah, ça fonctionnait. Pas si lointaine. Pas si lointaine. Vous faites ensuite 3 soirées sketch show. Oui. Ouais. Sur, alors bientôt 4, mais en tout cas 3 sur C8, enfin D8, C8. Ouais. Le sketch show, je sais pas si les gens s'en rendent compte dans le public, mais c'est un peu l'arlésienne de plein d'humoristes. Tout le monde veut faire un sketch show. C'est un truc un peu que plein d'humoristes veulent faire parce que les nuls et les inconnus en faisaient et les gens ont un peu grandi avec ça. Comment on. Et plein de gens se cassent les dents dessus. Vous avez réussi à en faire 3. Comment vous avez un peu abordé le délire? Est-ce que vous êtes. Comment on gère un conducteur? Est-ce que c'est vraiment différent de se dire bon là faut que ça tienne 1h30, du coup faut faire pas trop de sketch comme ci, pas trop de sketch comme ça? Est-ce que c'est pensé comme ça ou est-ce que c'est plus au feeling? Je pense que de toute manière, c'est parce que là on s'en est rendu compte sur ce soir, c'est pas le macho. Tu peux sortir. Enfin. Attends, comment en gros, sur la première folle soirée, on a écrit tous les sketchs qu'on avait envie d'écrire, et puis en fait sont arrivés Ara Aprikian et Xavier Gandon, à qui on doit énormément. Harry Habitant, c'est Harry Habitant, ouais. Et ce qu'on a fait au bon Dieu. et c'est eux en fait qui ont placé nos sketchs dans le conducteur, en gros. Mais on s'est rendu compte en fait que un sketch show qui dépasse 1h10, tu peux sortir le meilleur sketch possible à 1h25. T'es fatigué un peu. T'es fatigué, quoi qu'il arrive, t'es mort. Et ça, c'est un peu le défaut en France. C'est pour ça que je pense qu'aux États-Unis, ils ont compris que une émission ne dépasse rarement 45 minutes. Ah, le SNL, c'est très court, on se rend pas compte, mais il y a de la pub partout, c'est pour ça que ça dure 1h30. Voilà, 45-50 minutes, parce que au-delà de ça, t'as plus un temps d'attention suffisant, quoi. Donc, même là, tu vois, sur ce soir, c'est pas le macho, on était hyper emmerdés, parce que par moment, on a des super sketchs qui arrivent à 1h20. On sait qu'il a n'aura peur de pas, ça. Ouais, il n'aura pas le même impact que s'il était à la 10e minute ou un truc comme ça. Quoi. Mais celui dans lequel on est tous les quatre, il est très tôt. Hein. Ouais. On l'a mis bientôt. On va le voir très vite. Pourquoi je parle de ça On a trouvé un lien aussi. Oui. Tu sais, il fallait qu'on trouve un fil rouge comme dans Interville, mais vu que le mec ne doit pas lever les genoux, c'était déjà fait. On s'est dit, on n'avait pas de pompier en plus. Il n'y avait pas de pompier, donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une petite histoire à raconter. Vous n'y êtes pas à Saint-Quentin en plus, je crois. Non. On n'y est pas du tout à Saint-Quentin. Non, ça n'a rien à voir. Donc, on a fait, voilà, il fallait qu'on trouve à chaque fois un petit truc, genre, il faut qu'on. Tu sais, on n'a pas de décor pour le prime de ce soir, donc tout la petite intrigue, c'était ça. Vous ne voulez pas faire de plateau, ouais, ça c'était important. Ouais, parce qu'en plateau, c'est. Salut, c'est. En fait, faire premier degré, être vraiment. Salut, bah, c'est le Palmacho, salut David. Et bah, pour l'anecdote, on a essayé de le faire. Ce soir, c'est Palmacho, pour TF1, on a essayé de le faire. Et c'était très nul. On a été gênés déjà en le faisant. Jonathan nous disait. Il nous a dit c'est long à peu près toute la journée. On va passer une bonne journée. Pardon. Et au montage, il s'est avéré que ça ne marchait pas du tout. Et alors, c'est là où la liberté, quand même, quand on parle de liberté entre TF1, tout ça, TF1 a vu ce montage-là avec nous en train de présenter. Théoriquement, ils auraient dû nous dire super, c'est didactique, tout ça. Ils nous ont dit non. Faites autre chose. Faites ce que vous faites d'habitude, là, votre fiction, chaises, là, machin. vous savez pas, vous cherchez un plateau, tout ça. Oui, c'est vrai que les gens, nous, là, notre modeste expérience télévisuelle, c'était vraiment genre faux accueil. Les gens, faut leur expliquer où ils sont. C'était un truc qui revenait souvent quand même. Là, très clairement, on a essayé de le faire et ça marchait pas, quoi. Donc, ça marchait pas du tout. Même. Nous, mais ça alors... cartonnait nous. Voilà. Au final, on a des chiens. Bah ouais, mais c'est cool, tant mieux. Je l'ai fait avec Karim Le Marchand aussi. C'est ça qui nous a aidé. Ce qu'il y a de pire, c'est le plateau où tu débriefes le sketch. Ah. Ça. Alors Adrien, sur ce sketch là c'était tourné quand? Je crois que vous avez complètement délié. Alors moi je grelottais, hein, parce que là on est l'été, mais on l'a tourné, c'était l'hiver, hein, à l'époque. Tu te rappelles, j'étais vous avez eu des fous rires, non? Pas mal. Dans les lancements comme ça, Denisot en faisait beaucoup à la période du Grand Journal. Drucker aime bien aussi. C'est quand il reçoit un humoriste, et il le lance pour faire son sketch. C'est genre, bah Franck, vous êtes venu en avion là récemment, c'était une compagnie low cost, non? Oh là là, m'en parlez pas. Ah, le low cost, je vais vous le dire, parce que l'holocauste. Non, ah, l'holocauste. M'en parlez pas de l'Holocauste. Non, Franck, j'ai dit c'est pas ça ton sketch. C'est pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. M'en parlez pas, c'est un mythe. Voilà. Alors c'est ça, on parle de ça. Arrêtez, non stop. On la refait. Ensuite, le film. Oui. Le film. Je vais rester sur les sketchs. Je ne vais pas beaucoup vous parler du film. Parlons sketchs. Il y a un truc qui m'a surpris parce que c'est un truc qui se fait pas beaucoup. C'est-à-dire que quand les nuls ont fait la Cité de la Peur, ils n'ont pas fait de sketch derrière. Mmh. Quand les Inconnus ont fait Les Trois Frères, ils n'ont pas fait de sketch derrière. Vous, vous êtes revenus. Déjà, vous avez fait une soirée, je crois, à peu près en même temps que le film. Ouais, la soirée. Genre la ouais, veille la, ou un truc comme la ça. Soirée 3. Ouais. En fait, on c'est a ça. Tourné Max et Léon juste après La Folle Soirée 2. Et donc le temps de montage de Max et Léon, etc. Avec David, on n'était pas tout le temps au montage parce qu'il prend du temps. Il y avait Jonathan qui était et tout. Et nous, on s'est dit, bah, est-ce qu'on réécrirait pas des sketchs? Donc en fait, on a réécrit pendant l'année 2016 la troisième émission. Et du coup, le film étant sorti le 1er novembre, le Prime numéro 3 est sorti le 4 octobre. Donc effectivement, il y a eu cette sensation des. De c'était trop long ma réponse. Pardon. Non, elle bien, elle bien. Je plaisante. Et en fait, ouais, après le film, supplie, après le film, en fait, on s'est dit, on voulait réécrire des sketchs. Donc c'est vrai qu'on s'était dit, mais pourquoi pas, pourquoi se cliver, pourquoi se dire maintenant qu'on a fait un film, inutile de faire des sketchs, on en est plus là et tout. Mais, ouais. Mais c'est très français, ça, ce plan de carrière de dire bon maintenant c'est que le Graal, ouais, voilà, c'est du cinéma, faut pas revenir en arrière. Nous, on s'en fout un peu. C'est marrant parce que moi justement, je suis un peu tombé dans ce piège-là justement. Enfin, nous en fait, moi je sais pas, on n'a pas fait de film. Mais on a fait une série et c'est un peu censé être l'étape d'après des sketchs. Et du coup, je m'étais un peu mis dans cette case, genre, bah voilà, maintenant les sketchs, faut passer à autre chose et tout. Et en fait, là, je suis en train de me dire, là, en ce moment, mais en fait, je kiffe trop les sketchs, quoi. J'ai trop envie d'en refaire, j'ai trop envie d'en réécrire et tout. Donc, je me suis remis à écrire des sketchs. Bah, ouais, tu prends Will Ferrell, par exemple, prendre, fait tout le temps ça, quoi. C'est un bel exemple. Mais prends Will Ferrell, il est hyper c'est pas con. Il était en bas, il était au McDo, là, on l'a vu. Il est dispo, il a dit. Je suis dispo, il est. Non, mais dis mon adresse directement, Greg. Je t'en supplie. Alors, il était à côté du. Attends, on est où? Il y avait un. Boulevard. Il y a aussi un truc, donc ensuite vous faites Canoff, vous changez de chaîne, vous êtes sur CTMC, dans j'allais dire le petit journal, dans quotidien. Groupe TF1. Déjà dans d'autres sketchs, mais dans Canoff, j'ai l'impression que c'était un peu plus criant. Genre, des fois, vous faites des parodies, mais elles sont assez innocentes sur les gens que vous visez. Genre, quand vous faites PNL, vous attaquez pas du tout PNL, vous décalez le truc, mais vous les attaquez pas directement. Quand vous faites Maître Gims, vous l'attaquez pas lui. Non, c'est jamais frontal. Ouais. C'est ça. Mais dans Canoff, ou dans certains sketchs, vous êtes un peu plus. Comment on gère en fait les trucs un peu plus, pas agressifs, mais un petit peu plus. Je sais pas, quand le curseur est un peu plus sur la moquerie et tout. Est-ce que c'est un truc qu'on doit gérer ou est-ce que. Non, je crois que c'est surtout le. En fait, c'était plus les genres qu'on aimait, qu'on aimait à parodier. C'était plus de la parodie de genre. Après les noms, oui, bah on fait des associations. Non, mais en plus on fait des associations de noms un peu libres, mais c'est un peu du gratos, mais c'est un peu du. Mais parce que c'est aussi marrant à faire. Ouais, mais voilà, c'est parce qu'en fait on rigole et je pense que si justement même les gens qui voient et qui se disent tiens, est-ce que c'est pas de moi, je sais pas, il y a pas de, tu vois, on n'y va pas au couteau quoi. Non, il y a une blague surtout. Ouais, c'est ce que les gens des fois disent, c'est que c'est de l'humour en fait, ça reste. Tant que ça reste drôle en fait, c'est que. Après, est-ce que c'est drôle pour tout le monde? Télé la question. Télé la question. Mmh. Exactement. Ce sera mon. Nous, c'est notre sketch show qui arrive. Télé la question, c'est télé la question. Bah, et, c'est hyper bien. Que des parodies. Bah, que des parodies, mais de France Télé. Commence par une question. Ouais. Chaque fois. Non, parce que moi, je sais qu'on offrait des parodies. Des fois, c'est des trucs. On a vraiment envie de se moquer. C'est pas juste innocent de. On aimerait bien le parodier. C'est que des fois, on a. Enfin, moi, je sais que sur certains trucs, c'était juste pour. Les cliponettes, c'était vraiment. C'était un peu gratos, quoi, des fois. Les cliponettes, on y allait. On n'y allait pas. Ah, bah, attendez. Vous parlez à quelqu'un qui a été bloqué par. Attends, qui? Arthur. Toi? Ouais, sur Twitter, j'étais bloqué par Arthur, les gars. Donc, ah bon? Cartman. Voilà. Ah, donc, ouais, donc, attention, je suis un gars qui. Et Nicolas Bedos pour une autre raison. Nicolas Bedos m'a bloqué sur Insta. Pourquoi? Je vous jure, c'est vrai. Pourquoi? Mais pour zéro raison. C'est vrai. Il a posté une photo de son appart. Et j'ai juste mis une blague genre ah c'est un F2 ou un truc comme ça. Donc un truc pas du tout vénère. C'est que c'était pas du tout un F2. Ah, non mais parce qu'en fait de son appart tu vois qu'il habite au-dessus du pont des Arts, enfin tu vois, genre quartier cool, mais c'était pas un truc genre sale riche de merde, tu vois, c'était juste une petite blague absurde. Oui. Et je suis vraiment fan de son film en plus, Nicolas Bedos, et vraiment il m'a bloqué Monsieur directement. Malman, c'est bien ça? Ça c'est vachement bien. Je sais pas. Ça reste internet. C'est le web. Ça reste internet. En fait, c'est ce que je me suis dit, je pense qu'il se fait tellement agresser souvent que la moindre vanne fait bon, va te faire foutre. ces gars-là. Je pense qu'il vraiment il filtre vraiment. Vous avez eu des retours, vous, de gens parodiés ou pas trop? Non, j'en ai eu. On a eu un petit tweet de PNL qui nous avait mis. Qu'est-ce qu'il avait dit? Âme sensible. S'abstenir avec un petit cœur. Âme sensible, s'abstenir avec un cœur. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Je sais plus. Si Yves Cranbord. Oui, Yves Cranbord qu'on a parodié dans MasterChef, dans un de nos premiers sketchs. On l'a croisé plusieurs reprises, même d'ailleurs. Invité même. Et il avait trouvé ça très drôle. En fait, les gens, ça les fait marrer parce qu'ils voient que c'est malgré tout un bon esprit. Et que tu te moques, mais que c'est pas méchant, donc non. Mais vraiment, on n'a jamais eu de remontrance. Non, ouais, c'est vrai. Bon, bah, c'est trop bien. J'ai quelques. Comment ? De remontrance. Ouais, ouais. J'ai eu 36 ans cet été. J'ai quelques questions des gens, donc je me permets. C'est la grande foire. Je peux Allez, vous dire, on je y peux va. Pas vous dire mieux. Est-ce que vous avez envie de faire un autre film ? Si oui, si vous deviez en faire un, serait-ce complètement autre chose que Max et Léon ou la suite de leurs aventures ? Alors, oui, tout à fait. On a envie de faire un deuxième film. On est en train de l'écrire en ce moment. Allez, scoop, scoop, scoop. Scoop. Scoop. Mais ce sera pas du tout la suite de Max et Léon. Mais rien genre bah, rien ce sera la suite avoir. De la soupe aux choux d'ailleurs, on peut le dire. Ouais, peut-être un reboot de la soupe aux choux, mais ça sera au vermicelle. Reboot, ça sera une soupe au vermicelle, enfin on change un peu là. Bah, tu reprends ta sauce pour les droits, voilà. Putain, ils l'ont fait à leur sauce. Ça commence à donner envie. Ouais. Là, tout de suite, il y a un truc. Moi, s'il y a un rôle, je suis chaud. Ça va. Mais après, c'est quel que soit leur projet, non ? Ouais, c'est ça. Même d'autres gens, d'ailleurs, si des gens m'écoutent, si vous avez des rôles. Moi, j'ai du temps libre. Enfin, en plus, je suis à Paris, donc c'est pratique pour moi. J'ai un scoot et tout. J'ai un scoot. Je suis PPM, hein. Je suis hyper autonome. Adrien chauffeur. Non, tout le monde chauffeur. Adrien, non, on peut pas. Je peux pas amener ma bouffe et tout. Enfin, Pensez-y par ses propres moyens. Il y a des économies à se faire, quoi, avec Adrien. Pensez-y. N'hésitez pas, quoi. Je suis un peu hybride. Est-ce que bosser avec son pote facilite le travail ou au contraire? Ah non, ça facilite. Non, c'est facile. Oui. Bah, bosser avec son pote, c'est mieux qu'avec quelqu'un que tu hais. C'est vrai que c'est un peu con comme question. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il veut dire. Eh, gros con, c'est je sais pas qui a posé. Non, ça peut. Non, en fait, je pense que ce que la personne demande, mais ce qui, je pense, encore une fois, est une espèce de mythe que se font les gens, c'est si c'est ton pote, t'oses pas dire quand c'est nul, alors qu'au contraire, moi, je trouve que c'est ce qui fait. Non, c'est ce qui est plus facile. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup simple. Plus simple. Ouais. Ouais, c'est assez simple. Donc, c'est assez simple, d'autant plus que c'est assez rare. En tout cas, moi, je parle pour David, c'est assez rare. Ouais, nous, c'est tout le temps. Que je lui dise que, disons, ça, c'est de la merde. Ça, tu vois. Oui. Il y a toujours ce truc où t'es plus ou moins d'accord. Où tu dis oui, mais alors pourquoi? Mais tu cherches à savoir. Mais il y a on a un truc, notre grand truc, c'est de se dire qu'à partir du moment où l'autre dit quelque chose, même si ça nous plaît pas, il y a forcément quelque chose de bon. S'il a eu cette réflexion, c'est que donc si l'argument qu'il donne à un moment précis n'est pas le bon pour toi, peut-être on peut s'en servir pour autre chose. Donc rien n'est perdu en fait. Ça arrive parfois que ce soit des ça c'était une belle idée de merde. Ça peut arriver. Le aussi, Griezmann, enfin voilà, ça peut arriver. Et encore, non, mais elle était dans l'émission. Elle est restée jusqu'à la V2. Elle faisait pas partie des 23. On la mettra, ça sera le titre de cet épisode, le pet Griezmann. T'as un peu envie de cliquer, je vais peut-être le mettre. Pas mal, ouais. Hashtag LPDG. Vous utilisez souvent le Poitou-Charentes comme élément comique. Ouais. Ou pas, est-ce que vous êtes attaché à cette région? Pourquoi? C'est attaché à la sonorité. Poitou. C'est dans le Poitou. C'est dans le Poitou. C'est Poitou. Tu peux pas trouver mieux. Non, c'est vrai, parce que nous, moi, j'ai ça avec Poitiers, c'est pour ça qu'on est Poitiers, Poitou. Mais moi, j'ai ça avec Angoulême. Ah, mais c'est des sonorités qui c'est un peu plus poétique. C'est un peu plus poétique. Et nuit, il y a un truc avec la région de PACA aussi. Oui. Ah, oui. PACA, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, Poitou-Charentes pour la question. Oui, comme dit Adrien, c'est le Poitou. Ouais. C'est ça. Il y a les prénoms aussi. Des fois, il y a des prénoms qui sonnent bien pour des personnages cons et tout. Tout à fait. Nous, on est des grands fans de Yannick. Yannick qui est le prénom du mec qu'on écoute jamais dans les films, même si on le dit jamais. Ouais, il s'appelle Yannick. Yannick. Dans le script, il y avait marqué Yannick au début. Nous, il y a Daniel. Daniel, j'ai aussi moi. Et Stéphane. Stéphane, c'est pas mal. Steph. Moi j'aime bien les une, enfin Joël, Loïc, les une syllabe, ils sont bien aussi. Joël. Bah c'est Joël. Ah ouais, bah forcément c'est Joël. C'est Joël. Ça peut être que Joël. Question un peu plus directe. Est-ce que les sketchs de TF1 sont disponibles sur votre chaîne YouTube ou juste en replay? Tout à fait. C'est pareil, ça a toujours été une négociation à chaque fois. Donc oui, là-bas d'ailleurs tous les teasers là qu'on est en train de mettre sont sur YouTube. Ils sont sur YouTube et les sketchs aussi seront sur YouTube. Trop bien. Est-ce que vous aviez un groupe d'écriture ou est-ce que vous avez toujours écrit tout seul? On a toujours écrit tout seul. Ouais. On a juste eu Adrien Léveillé et Sébastien Storck qui sont venus collaborer avec nous à plusieurs. En gros, nous, on trouve l'idée, on l'écrit et on leur donne. Et eux, ils punchent voilà, un peu. Ils punchent un peu. Ou enfin, ils punchent un peu beaucoup même. Ouais. Mais ils étaient vraiment dans le rôle de nous, de bien rebooster les sketchs quand on était un peu rincé. Ouais. Et ils attendaient même pas qu'on soit rincé pour faire des bonnes choses. Mais ouais, c'est vrai qu'on a besoin, nous, avec David, de trouver les idées principales et qu'après, eux puissent s'amuser vachement avec nous aider. Ouais, exactement. Ouais, ils font leur. Faut leur tambouille. Leur popote dans la sauce. Mais vous jouez tout le temps d'ailleurs les. Leur popote dans le Poitou, quoi. Ouais. Avec Yannick. Bon. Peut-être le titre du long métrage que vous êtes en train d'écrire. Dans le Poitou avec Yannick. Popote dans le Poitou, on dirait une pièce de théâtre de la Michaudière. Ce soir à la Michaudière. et vous jouez les sketchs d'ailleurs, c'est comme ça que vous arrivez à vous vendre les idées ou, ouais, on se les lit, souvent on s'écrit, on se dit, on parlait de la région PACA, si on dit que voilà, l'autre il arrive, il entre, il fait. On se fait les sketchs, on se les joue en fait. Et comme on... Mais même on se les joue sans se regarder, on sait, on fait, c'est la musique, à un moment donné il y a une musique, il y a. Ok, bon, c'est ça, lui. Ok, donc on garde ça. Et c'est. Ouais, on aime se faire les trucs. Ouais. Trop bien. Et quelles sont vos références principales en sketch et en cinéma, donc des noms un peu qui reviendraient Les sketch, inconnus les nuls inconnus les nuls évidemment après en sketch il y en a plein franchement il peut y avoir des moi je regardais par exemple j'étais à fond aussi à l'époque des VHS des petites annonces d'Eli par exemple regardais plein les sketchs, il y a tout, il y a même les sketchs américains du SNL on parlait tout à l'heure après ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on sacralise un peu tous ces sketchs, il y en a des mortels mais n'arrive que la crème de la crème en c'est France ça. Ouais, parce que tu peux en regarder aux États-Unis tu fais tout justement alors je vous conseille de le faire, ils sont sur Comédie je crois, enfin Comédie Plus, je sais pas le nom de la chaîne, et des fois j'en mate et ouais il y a à boire et à manger quoi, faut savoir qu'ils écrivent tout en une semaine les gars du SNL. Attends, ils sont pas même sur la chaîne YouTube du SNL. Il me semble qu'il y a quelques années, ils ont dit on met. Mais sur la chaîne YouTube de Comédie Plus, ils sont en sous-titré. Voilà. Si vous êtes des férus de sketch, il y a ceux du SNL qui sont traduits sur la chaîne de Comédie Plus. Et oui, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à jeter entre ceux où ils oublient leur texte parce que c'est en direct. Et c'est encore un autre exercice aussi. Il faut tu as raison. Mais c'est vrai qu'on sacralise cette émission, on a toujours voulu la refaire, mais je pense que ça leur appartient vraiment. Ouais, voilà. Et en même temps, c'est très américain. Et nous, quand on essaye de faire des plateaux d'humour avec des plateaux qui tourne et on change un changement et tout, il y a toujours un petit côté de c'est compliqué. Mais il y a plein de choses, c'est comme le late show, c'est comme présenter les Césars, enfin c'est des trucs où on essaye toujours quand les gens essayent de faire Ricky Gervais par exemple, c'est toujours un peu une cata, les gens n'ont pas forcément le recul de ah oui c'est vrai c'est drôle, j'ai fait ce film qui a pas marché, ouais très drôle. Ça fonctionne absolument jamais quoi. Si vous aviez un guest, je pose la question aussi à Adrien, un guest idéal pour un sketch show vivant ou mort, lequel serait-ce? Vous, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, et là je fais une petite transition d'animateur télé, vous avez pas mal de gages je crois dans la nouvelle émission sur chez Michel Drucker, je peux pas te dire mieux. Pas des moindres. Va pas te le cacher. j'ai pas dit le on, c'est ça qui est avant. Va pas te le cacher. Même en mort. Parce que. Ouais, Will Ferrell, mais il est pas mal. Will Ferrell. Parce que si vous aviez jamais des guests morts. Patrick Sébastien. Voilà, il y a un animateur qui peut vous les refaire à la copie conforme. Oh, ma biche! Attention, c'est parti! Louis de Funès, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien de Funès, mais. On l'a jamais vu dans des sketchs, Louis de Funès. Ouais, de Funès dans des sketchs. Dans un truc de 5 minutes. Oh, la puissance, t'imagines? Dans Scène de ménage, par exemple. Vous avez pas dit, donc il y a qui dans le sketch show qui va arriver? On a Flaubert, Adrien Méniel. En premier lieu. Julien Pestel. Oui. Benoît Poulvord, Cadmérade, Florence Foresti, Alain Chabat, Philippe Duquesne, Jérôme Commandeur, Fred Testo, Thomas Njijol, mon père. Ton père. Je crois que mon père. Non. Ma famille. Il n'y a pas mon père. Il n'est pas dispo. Voilà, on est très très contents. Vos pères, ils jouent tous les deux dans le film. On les voit. Ouais. Les deux. Tout à fait. Avec le père de Jonathan au début. Premier plan de Max et Long, il y a nos trois papas dedans. Les deux premiers. Très stylé. On était contents de ça. Vous dites pas dans le commentaire audio qu'on n'a pas fait exprès en fait. Mais au montage, on s'est dit ah putain, c'est dingue. On commence par nos pères. Par le syndrome. Papa. Mais oui, on le dit dans les commentaires. Ouais. Et une dernière question, parce que tu dois aller chez le dentiste, Greg. Je vais pas tarder à aller chez le dentiste. On va pas tarder. Vous avez joué en duo dans des films. Et dans ces films, on retrouve beaucoup votre patte, que ce soit dans Santa et compagnie, par exemple. Comment ça se passe quand vous arrivez, vous faites des propositions réelles ou en fait les gars vous ont écrit pour vous et, je trouve ça très criant dans Santa et compagnie pour le coup, où c'est vraiment, on retrouve ce qu'on aime chez vous. On a proposé des trucs. Je sais quand Santa, c'était Santa, pour le coup un vrai cadeau d'une part, et puis après il avait. Tu dis ça parce que c'était un film sur Noël. Oh, il ne fait même pas exprès. T'as vu comme on est rodé. Oh là là, c'est joli. Non, et oui, et puis je crois que le réalisateur Alain Chabat, quand il nous a proposé, il nous a dit si vous voulez qu'on vous lisez, si vous avez deux, vous voulez changer une phrase, vous vous appropriez un mot, vous voulez dire un mot plutôt qu'un autre et tout. Et on a rajouté des trucs, ça lui plaisait, il disait on garde, non, ça lui plaisait pas. Non, il d'abord, quand il nous a dit ça, on lui a dit oh non, mais on fait ce que tu veux. Ouais, il y a eu ça aussi. Il y a eu un rapport au fait que t'as Alain Chabat. Ouais, voilà, ouais. On fait ce que tu veux. Non, mais au fait, je me demandais, non, mais t'as raison. Je sais que c'est tout ce que tu dis est vrai. Ouais. Mais ouais, ça dépend en fait. C'est vrai qu'on, bah, comme on a des automatismes, on aime bien s'en servir. Et après, c'est aussi au bon vouloir du metteur en scène qui dit oui, qui dit non. Et Bon, ce qu'on a rajouté, c'est le côté dominant-dominé, le prénom et le bisou. Ouais. On voulait donner à notre couple de Santa, hein, on ne sait pas trop, ils sont coéquipiers dans la vie, est-ce qu'ils le sont aussi Est-ce qu'ils sont aussi ils sont coéquipiers au travail, est-ce qu'ils le sont aussi dans la vie? Pardon. Tout simplement. Ah, c'est le dentiste, ça peut flipper. Il y a quelqu'un qui fait un AVC. T'es déjà anesthésié en fait, faut préciser. J'ai repensé à une question que j'ai vue et je termine sur celle-ci. Toi David, t'as fait un doublage pour Moi, Moche et Méchant 3 et vous avez fait une parodie de La Reine des Neiges en animation 3D. Est-ce qu'un dessin animé, c'est un truc qui vous plairait ou est-ce que c'est un truc qui vous dites est-ce qu'on pourra faire ça? On en parlait il n'y a pas longtemps. On se disait que faire un dessin animé, là pour le coup, ça serait peut-être le graal ultime. C'est dont on parlait. C'est le kiff ultime, ouais. Bah, parce que tu peux tout te permettre, tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux tout imaginer. Il n'y a pas de sens, tu peux mourir, revenir, voler, pas voler. Tu peux tout imaginer. Et mais ça coûte. Je pense que c'est un travail de titan. Ça coûte, mais c'est incroyable ce que ça coûte. Ça coûte 200 balles. Non, Greg, ça va. TTC. 200, ça va. TTC. Toute taxe comprise confondue. Donc, tu comprends pourquoi il n'y a pas vraiment de film d'animation en France, quoi. Tu peux pas financer ça. L'exercice était cool sur un truc aussi énorme en plus. C'est le seul moment où on te dit fais-en plus. Normalement, quand t'es en plateau, on dit non, on redescend un peu, on va essayer de faire un truc réaliste. Parce que David a toujours tendance à un peu surjouer. Léger. Et donc, du coup, là, on te dit non, mais vas-y, t'es rincé à la fin de la journée. C'est dingue. T'as pris combien de temps? Toi, t'avais un rôle, en plus, t'es le méchant du film, je crois. Ouais, je crois que j'ai fait une semaine, je crois. Ah oui, quand même. Ça, 4 jours. D'accord. Et ça va, ça nique pas complètement là-bas. Moi, à chaque fois, je me dis, mais c'est défoncé là-bas. En fait, non, tu t'arrêtes vers 15h. D'accord. Le mec te dit, parce qu'en plus, tes dessins animés, c'est de pire en pire maintenant que tu commences à. Que de crier quoi. Non, mais surtout les moins moches et méchants, enfin les mignons, les trucs, ça hurle tout le temps quoi. Exactement. Et donc du coup, t'arrêtes en milieu d'après-midi parce que tu sens que ta voix commence un peu à trembler. Et là, on te dit, tu rentres chez toi, tu prends un thé, du miel et tu bouges pas quoi. Trop bien. Bah les gars, merci beaucoup. C'était super cool. C'était génial. On fait merci un mini tour. Donc alors, l'émission c'est vendredi. Ouais. Vendredi. Attends, je réfléchis. Oui, ce sera le vendredi de la sortie. Le podcast sort lundi, donc ce sera quelques jours avant. Vendredi qui vient. Vendredi qui vient sur TF1. Vendredi, c'est ça, à 21h, mais je pense 21h30 avec les pubs avant. À peu près. Oh non. Du côté de chez nous. 21h40. Avec Du côté de chez nous, qui est une émission qui me fascine toujours, de voir des gens qui disent bah c'est notre super maison. Allez, j'en mets. Et il y a d'autres trucs. Donc vous préparez des trucs chacun de votre côté aussi. Dans les tuyaux. Un mime. Non. Si. Non, j'ai refermé ma bouteille. Non, dans les tuyaux, il y a quoi? Oui, il y a le prime. On réécrit. On se laisse un peu. On laisse un peu les choses venir. Et on va faire un album qui s'appelle Copie Conforme 2. Mais de trucs d'aujourd'hui. De trucs actuels. Vous apprenez Maître Gims, tout ça. Tout ça. Fait. Ok, super. Exactement. Cool. Bah, merci beaucoup, les gars. Merci à vous. À très bientôt. C'était super. On fait des bisous. Oui. Au revoir. Salut. Ciao. Bye. Gérard, c'est la bombe d'alcool. Sylvie, Martine, Annick, j'en peux plus, femme. Blaise. Sandrine est responsable du rayon P, tu me le connais. Et Capucine, t'as un prénom de poney. Tu as un nom d'Apache. Et chez Paul, y'a des sandwichs. Brian et Marlon rêvent de jouer dans cette bitch. Francis a une moustache. Et Gilles aussi poussé le bouc. En boîte, Pascal fait tâche. Et mes séries valent sur Facebook. Yeah, yo, tu connais forcément quelqu'un dans le tas. Quand ils sont tes potes, sur ta meuf ou sur ton papa. C'est les prénoms, pas le bas de ma chance. C'est les prénoms. Natacha, c'est une coquine. Alors que Muriel rentre pas dans son slip. La rivière, ta banquière, et Robert gras du bide. Et Cindy, son stagiaire, chez Jean-Louis David. Les bonnes, c'est toutes les mêmes, toujours celles qui s'appellent Sarah. Le truc, c'est qu'elle se la donne comme les meufs qui passent chez Sarah. Mike, John et Steve, taf chez Diesel. Rien un peu racailleux. Hey, mademoiselle, Florent est comédien et décroche des rôles pour Mélène. Milet, c'est la relou qu'on a bloqué sur MSN. Les Marjolaine et Jeanne passent le concours d'un stick. José a un synthé et vous bagarre une grosse. À toi l'honneur mon pote, leur annonce et les champions. La crème des crèmes du pire de tout ce qui se fait au prénom. Rockstar du calendar, c'est des mecs exceptionnels. On se devait de finir sur Tony, Serge et Lionel. C'est les prénoms, pas le bal machon. C'est les prénoms, pas le bal machon. C'est les prénoms, pas le bal machon. C'est les prénoms. C'est les prénoms, pas le bal machon. C'est les prénoms. C'est les prénoms, pas le bal machon. C'est les prénoms.